Ce panneau vous montre une direction obligatoire à la prochaine intersection, tout droit. Il est interdit de tourner à droite ou à gauche.